L'art de chanter agréablement, enseigné en 20 leçons. Anonyme. Enregistré pour LibriVox.org. Leçon première. Air de la Dame Blanche. Sur la justesse du chant. Vous qui voulez que l'on admire vos bonnes grâces, vos talents, sachez accorder votre lyre, modulez et régler vos chants. Si l'amour-propre vous poignarde, évitez les sons discordants. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Leçon 2. Il faut connaître sa langue. N'allez pas, chanteur intrépide, faire des cuirs à chaque mot. Prenez la grammaire pour guide, sans quoi vous passez pour un sot. Plus d'un puriste vous moucharde et doit vous tenir en suspens. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Leçon 3. Sur le nasonnement. Ayez le soin d'ouvrir la bouche, nasillonneurs infortunés, qui se sentent enrhumés se mouchent. Ne faites point grâce à vos nez. Une voix aigre et nasillarde affecte et blesse nos tympans. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Leçon 4. Sur les variations et les roulades. Ne savez-vous pas la musique? Laissez les enjolivements. N'ayez pas l'air d'une bourrique qui braie sans accompagnement. Qu'un musicien se hasarde à roucouler, bien, j'y consens. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Leçon 5. Sur la mesure. Il est certains airs que l'on gâte en les disant trop lentement. D'autres, chantés trop à la hâte, ne nous offrent pas d'agrément. Apprenez qu'une voix plaignarde ne sait nous plaire en aucun temps. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Leçon 6. Sur le ton. Le son d'une voix glapissante déplaît aux personnes de goût. Des cris n'ont rien qui les enchante. Ils étourdissent, voilà tout. Une voix perçante et criarde blesse l'oreille et le bon sens. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Leçon 7. Sur la mine et le geste. En amateur, je vous atteste, à vous qui n'êtes point acteur, que la grimace et que le geste n'amusent pas vos spectateurs. Ce n'est point pour nous qu'on se farde. Pour vous faire aimer, soyez francs. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Leçon 8. Sur la fêterie et les airs maniérés. Sexe charmant que la nature embellit de ses simples dons, chassez l'orgueil et l'imposture, ils enlaidiraient vos chansons. Souvent la modeste guimbarde plaît mieux que les grands instruments. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Leçon 9. On doit se conformer aux différentes sociétés. Il ne faut pas à la guinguette prendre les grands airs de salon. On vous observe et l'on vous guette. Craignez d'avoir l'air d'un oison. Redoutez l'humeur goguenarde de rivaux quelque peu mordants. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Leçon 10. Sur la délicatesse du chant. Surtout n'allez pas davantage de vos bruyants et gais refrains troubler, en dépit de l'usage, nos riches si fiers et si vains. Des airs chantés à la hussarde leur causent des désagréments. Prenez garde, on vous écoute, on vous regarde, et l'on veut rire à vos dépens. Récréation. Air, j'ai réformé mon barbier. Je viens de parler du chant, c'est un sujet magnifique, mais c'est assez de musique, nous occuper pour l'instant. Maintenant, pour les paroles, sérieuses ou frivoles, je veux faire la leçon, et, bannissant toute gêne, je crois devoir prendre haleine entre l'air et la chanson. Leçon 11. Air, au plaisir, à l'amour, soyons toujours fidèles. Sur les chansons indécentes. D'une franche gaieté, ne quittons pas la trace, on ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. ne souffrez point qu'une vile indécence vienne souiller vos couplets ou vos chants. De l'infamie éloignez l'indulgence, des accords purs sont toujours plus touchants. D'une franche gaieté ne quittons pas la trace, on ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. Leçon 12. Sur les ponts neufs. Ne venez pas de chansons trop connues persécuter nos instants de loisirs. Ces chants usés qui parcourent les rues nous font bâiller et chassent nos plaisirs. D'une franche gaieté ne quittons pas la trace, on ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. Leçon 13. Sur la romance. Dispensez-nous de vos romances fades, de vos couplets traînants et langoureux, car la longueur n'appartient qu'aux malades et quelquefois aux tristes amoureux. D'une franche gaieté ne quittons pas la trace, on ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. Leçon 14. Sur la satire. Emparez-vous du fouet de la satire, de l'épigramme, empruntez le secours. Un trait malin nous plaît et nous fait rire. Amusez-nous, sans quoi nous restons sourds. D'une franche gaieté ne quittons pas la trace, on ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. Leçon 15. Sur les chansons pastorales et de chevalerie. Si des chansons plaisantes et légères charment l'esprit et flattent le bon goût, les chevaliers, les bergers, les bergères et leurs amours nous font dormir debout. D'une franche gaieté ne quittons pas la trace, on ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. Leçon 16. Il ne faut pas abuser de l'attention et de la patience des auditeurs. N'abusez pas des instants qu'on vous donne. De 100 couplets, ne nous inondez pas. Une chanson doit être courte et bonne. Le temps est cher, surtout dans un repas. D'une franche gaieté, ne quittons pas la trace. On ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. Leçon 17. Sur les rondes et les refrains. Des refrains vifs amusent tout le monde et font plaisir, fussent-ils peu connus. Chantez-nous-en qu'on répète à la ronde, chantez, chantez, et nous ferons chorus. D'une franche gaieté ne quittons pas la trace, on ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. Leçon 18. Sur les chansons bachiques. Dans tous les temps, le patron de la treille sut inspirer chansonniers et chanteurs. Louez Bacchus et sa liqueur vermeille, vous trouverez toujours des amateurs. D'une franche gaieté ne quittons pas la trace, on ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. Leçon 19. Sur les chansons patriotiques. Sur votre lyre invoquez la victoire, rappelez-nous nos combats, nos succès, de nos guerriers en célébrant la gloire, vous nous plaisez, car nous sommes français. D'une franche gaieté, ne quittons pas la trace, on ne trouve à sa place qu'un éclat emprunté. Leçon 20. Chacun son tour. C'en est assez, ma chanson est finie. À votre tour, madame, ou vous, monsieur, réunissez la grâce à l'harmonie, et qu'avec vous chacun répète en chœur. D'une franche gaieté, suivons toujours la trace, on ne trouve à sa place qu'un plaisir emprunté. Congé. R, il faut que tout le monde vive. Quoi ? J'oubliais la liberté. C'est pourtant un sujet que j'aime, et je voudrais, en vérité, messieurs, vous en parler moi-même. Je vous serais donc obligé si, pour traiter l'objet sans peine, vous vouliez m'accorder congé jusque à ma chanson prochaine. Fin du poème, enregistré par Christiane Jehan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.